fou. Il est 21h et 20h, c'est encore marqué 21h, on a changé d'heure. Il est 20h, c'est ça? Ouais, en moins. Il est 20h01 à l'antenne de Campus 106,6 DAB+, canal 7C et campuslille.com. Ça y est, je l'ai dit une fois, je le ferai plus. Moi, je m'en occupe après. Merci, cher ami. Et donc, vous êtes à nouveau entre les douces mains de Pyongyang City Rockers, dont c'est le numéro 411 qui commence maintenant avec un tout nouveau micro à la table du mixage. Nouveau, le pied est nouveau. Ouais, c'est le pied. Voilà. Et tu sais, on a toujours du nouveau matos à Radio Campus, c'est ça qui est bien. Parce qu'on a plein de dire, ils vont venir piquer le pied. On a de remplacement. Ah, oui, ben. Et donc, ce soir, il y a Gaël. Oui. Et Thibaut. Oui, je me dis que ça peut être super pour la grosse caisse au CCL, ça. Vous arrêtez. Ouais, je suis pas sûr. Hein. Mets un ripoll derrière, le bazar, il s'envole. Ça va darguer. Ça pète la gueule vite fait, je crois. Donc voilà, et bien ce soir, plein de choses. T'as des reprises, il paraît. Ouais, j'ai des reprises et j'ai des nouveautés. Les reprises sont des nouveautés aussi. Moi, j'ai des reprises et des nouveautés. Ouais. Ouais. Toi, tu vas présenter un truc qui est imprésentable. Parce que on ne connaît pas le son qui va passer à la. Bah non, personne n'a encore entendu les sons qui vont passer au CCL vendredi. Ah non, c'est vrai, ça va être surprise. Et tu vas quand même passer des trucs par rapport à ça. Tout à fait. C'est là qu'on voit. C'est l'homme de radio. Bravo. Il a trouvé. Voilà. Moi, je connais déjà deux groupes qui font des reprises. Oui. Enfin, les groupes repris. Repris, ouais, d'accord. Après, les morceaux, je sais pas. Mais... Cheat Lickers, bien sûr. Il y a quoi deviner, quelques petits trucs. Enfin bref, on en parlera tout à l'heure. Et puis de mon côté, j'ai comme d'habitude quelques annonces de concerts. Je commence d'ailleurs avec Slap Rash qui vont passer demain soir au DND à Dunkerque, 3 places Jeanne d'Arc. Puis les voilà. Ça commence, on dirait presque du grind, mais en fait, non, pas du tout. Hein. Enfin, puis il y a quand même une grosse basse qui carbure. Slap Rash avec Histrionic demain au DND. Moi, pareil. Toi, pareil. Ouais, mais le Libanais, en ce moment, c'est la teuf. Quand on sort de la malterie, là, il y a un petit Libanais, là, tac. Oh. Et ça, franchement, c'est la teuf. Moi, c'est place de marché aux herbes à Mons. À Mons, ouais. Oh, Et vous connaissez les adresses en plus. Hein. Ah bah voilà, il faut savoir où bien manger. Bah ouais, non, c'est clair. Et rapide après une bonne fringale de répète, quoi. Il y a un truc qui est sûr, c'est qu'il faut, pour les frites, il ne faut plus aller à l'authentique. Hein. C'est fini. Hein. C'est vraiment dégueulasse. Par contre, la frite qui est au pont supérieur, là, c'est vachement meilleur. Non, si, sans déconner. Hein. Je vous le dis. Camion Styrocœur, c'est aussi l'émission qui te donne les bonnes adresses. Et quand vous allez au Pitz, on commence à avoir la dalle. Voilà. Et quand vous allez au Pitz, bah, vous traversez la place. Et puis à l'autre bout, t'as Friteux qui est toujours sympa, toujours content de voir arriver des Français qui vont honorer ces bonnes frites. Mais ne pas aller à la Blau-Off, je sais pas quoi, là. Non. La friterie bleue, ils aiment pas les francophones, hein. Ouais. Ah, non. Par contre, Stom, là, bah ouais. Voilà. Ouais, donc ouais, vous allez à l'autre bout de la place. Et bon. Volksplein. Volksplein, ouais, voilà. La place du peuple. C'est ça. Place au peuple. Place au peuple. Place à Ouzou. Punk song, paroles chantées en arabe, sont tout droit sortis des abysses imagerie occulte et qui parlent aussi de lutte contemporaine. Voilà un peu la DA du groupe montréalais Ouzou que je vous propose de découvrir ou de redécouvrir parce que c'est pas leur première sortie. Voilà, ils avaient sorti un premier album auparavant. Le titre que j'ai sélectionné s'appelle Kitara Nyanyati qui signifie le train qui n'arrive jamais. C'est une image, hein. Ah ouais. On pense pas à la SNCF, vraiment pas, c'est pas l'idée. Et c'est issu de leur album « À qui la liberté » qui sort aujourd'hui, qui est sorti du coup la semaine dernière, le 22 octobre 2026, chez le label breton Symphony of Destruction. Ah d'accord. Alors ça, pareil, j'ai pas... Faudrait avoir des explications là-dessus, c'est rigolo, parce qu'ils avaient sorti le premier uniquement au Canada, et là, a priori, il y a que Symphony of Destruction qui est dessus. Alors, je sais pas pourquoi. Moi, il me semble que j'ai le premier, d'ailleurs j'en revends. Ah bah oui, le premier. C'était déjà sur Symphony. Ah, ok. Et bah... Ou alors il était distributeur, mais. D'accord. Moi, ça me semble pas bizarre. Bon, bah, ça va. Voilà. Ah, ouais, t'avais le premier alors. Ouais. D'ailleurs, si je l'ai encore, je te ramène. Allez, vas-y, je suis chaud, Malout. Bon, allez, Ouzou, Kitara Nyanyati. T'as vu le business, hein, c'est bien, t'as vu ça en direct. Ouzou. Ouais, faut tout y faire montrer les choses. Ah, oui. Les choses. Ouzou. Et du coup, voilà, on se demande aussi dans quel dialecte de l'arabe ça parle, simplement de quel endroit, voilà. Apparemment, ça serait pas de l'algérien. Donc, pas hésiter à, si vous avez les infos, si vous avez compris ce qui se dit, à nous dire, voilà, la langue, ça nous intéresse. Bravo. Le téléphone du studio pendant les plages musicales, 03 62 26 89 18. Je vais le redonner tout à l'heure parce que j'ai des choses à faire gagner. Ah oui, t'as des choses à l'instant, offrir. On offre. Ouais, offrir. Non, le concours, c'est être la première personne à téléphoner. Ouais. D'ailleurs, j'ai pas encore testé si le téléphone il fonctionne aujourd'hui. Ouais. Parce que la fois dernière, on faisait aussi gagner des trucs, mais Schnapps, il a essayé, puis en fait, ça a jamais décroché. Non. Enfin, ça a jamais zoné. Pauvre Schnapps. Voilà. Allez, moi je sais en quelle langue ça chante. Ça chante en anglais. Une nouvelle sortie à venir pour les Américains de Violent Way de Buffalo. Leur nouvel album A Need for Something More devrait arriver dans les semaines qui arrivent sur Longshot Music, Contra Records et Battlescared Records. Et je suis bien content de ce que j'ai pu entendre pour l'instant. Trois nouveaux morceaux, beaucoup plus mélos, beaucoup moins bruts de décoffrage, tout en gardant quand même cette hargne typique à la Oi américaine. J'adore le morceau que je vais vous passer, qui s'appelle My Dearest Friend. Fallait bien une chanson pleine de mélancolie à dédier à son meilleur pote pour en faire un tube. Oi. C'est planté le garçon, c'est de la Oi américaine mélancolique. Ouais. C'est pas du Jolly Jumper Punk. Allez, on va c'est reparti pour les manières violentes. Violent Way. We'll be right back. Voilà, oui, si, c'est du 81. Ouais, 80, allez. Moi j'adore. Ouais. Continuez comme ça, les gars. Il y a encore des restes de 77-78, c'est pas encore du 82-83, tu vois. On enlève le regard de tueur. Un petit sourire un peu plus sympathique et vous allez pouvoir cartonner. Ouais, je trouve que Violent Way, c'est un bon groupe sur scène, mais c'est un groupe qui manque un tube, tu vois. Là, c'est un très bon morceau, mais c'est pas encore un tube. Ouais. Et c'est con, parce que ça joue bien. Les mecs voilà, sortent un album par an, avec plusieurs EP aussi dans l'année. Ils se bougent des États-Unis 3-4 fois sur le sol européen par an. Mais il leur manque quelque chose, tu vois. Ouais, bah oui. Il leur manque des tubes. Mais en fait, il y a pas mal de groupes dont c'est le petit problème. Alors, c'est un petit problème parce qu'en général, ils sont bons. Et quand ils sont sur scène, ça le fait. Ils savent jouer, tu vois. Enfin, bref. Et puis, ils aiment bien. Tu vois qu'ils aiment bien. Donc, c'est bien. C'est aussi bien à regarder pour voter. Mais il leur manque souvent. Il y a pas mal de groupes auxquels il manque un ou deux hymnes, quoi. Ouais. Et tiens, il y avait Mad Marx. Moi, je suis allé vendredi soir à Erly, là, à la brasserie Brouette. Bah, c'est ça. Les mecs, c'est bien. Mais. Ça manque d'un tube. Il manque un chaud truc. Voilà. Et bon, mais ça n'empêche pas que c'est de la qualité, quoi. Que c'est des bons. Ouais, après, tu vois, t'as des groupes où t'as des mecs, ils sont censés faire des tubes. Et puis, ben, je vais prendre l'exemple de. Les Ramones. De First Attack. Où tu te dis, nouveau groupe avec Greg Huff, putain, ça a cartonné. Putain, je les ai vus à Dresde la semaine dernière. Oh là là. J'ai même vu des commentaires sur Internet. Regarder la peinture séchée est plus intéressant que de regarder First Attack. Quoi. C'est vrai que le disque est bon. Moi, j'aime bien, c'est mélodique et tout. Mais sur scène, on se fait chier. Ouais. La foule, on se fait chier. Moi, avec Mad Max, on n'était pas là. Il y en avait certains qui se barraient, mais bon, il y a quand même du monde qui restait. Et puis, ouais, ça jouait quand même. Quoi. Donc, vaut mieux un Violent Way sans tube qu'un First Attack. Avec des soi-disant tubes. Voilà. Et bien maintenant, des tubes, vous en aurez peut-être vendredi à l'Aéronef, vu que passeront dans cette mythique salle trois groupes. Ça y est, des contacts maintenant, c'est mythique. Les gens, c'est même pas moi qui demande, c'est les gens qui viennent me demander. Bon, écoute, bonjour. Bonjour. Donc il y aura Keg, Moorish Idols, et puis un troisième groupe indie punk, on va dire, Search Results, moi, franchement, c'est eux qui m'ont le plus emballé. Je vais donc vous en passer un titre maintenant. Il est court, il dure 1 minute 5. Et par contre, pendant la durée de ce morceau, peut-être même la durée du morceau qui passera après, vous pouvez téléphoner au 03 62 26 89 18. Je répète, 03 62 26 89 18. Vraiment un numéro de téléphone de merde. Avant, c'était vachement mieux. Mais maintenant, c'est celui-là. 920-912-400. Oui, non, en fait, dis pas ça. Faut pas le dire, parce que sinon, les gens ils vont s'en mêler les pinceaux. Et il y a deux fois deux places à gagner, quand même, pour ce concert de vendredi. On n'aura même pas le temps d'aller boire un coup, quoi. Allez, on va rester derrière le téléphone. Non, c'est bon, ça flash, on n'a plus qu'à crier, qu'à courir et à crier. Voici donc Search Results qui vont passer à l'aéronef ce vendredi en compagnie de Keg et Moorish Idols. On les écoute dans Swindon Breakfast, Nottingham Lunch. T'as compris ce que ça veut dire ? Nottingham Lunch, ouais. Et bah Swindon Break, tu prends ton petit déj à Swindon et puis tu prends ton déj à Nottingham. Swindon, okay. C'est un peu loin, je crois. Je sais pas, il doit avoir un truc culturel que je connais pas, parce que les Anglais, ma géographie. Et j'ai pas fait mes recherches. Swindon, c'est à côté de Londres. Voilà. Et donc voici Search Results, je répète le téléphone 03 62 26 89 18. Take us to ride to once before. chez Coach Ishi. Ah ben, on écoutait le groupe canadien Braconia avec leur reprise No I Wanna Sniff Some Glue, paru sur un album du projet canadien de reprise des Ramones, The Ramones Project. Mais pourquoi Bob tu peux en parler comme ça? Your Drop, sorti en 2022. Pourquoi j'ai mis ça? Ouais, pourquoi? Pourquoi j'ai mis ça? Bah, il y a une petite raison quand même. Il y a un petit lien avec la soirée qui se passe au CCL vendredi. Non. Je te jure. Vas-y. Alors, sous l'impulsion de quelques punks de Lille, il a été décidé qu'un peu comme aux States, parce que c'est un peu une coutume aux States de faire des soirées de groupes de reprises, de former ça, voilà, avec, pour l'occasion des one-shots éphémères, pour Halloween spécialement. Donc du coup, bah, les punks de Lille, ils se sont motivés à concocter une petite soirée. Et il y aura pour l'occasion donc 6 groupes sur scène, plus des DJ sets. Il y aura notamment un groupe de cover de Misfits, renommé Les Inadaptés. C'est que des filles, hein. Ouais, et eux. Ouais, je te le dis. Shit Lickers, The Leader of Fuck, qui s'appelleront pour l'occasion The Leader of the Fucking Assholes, qui est un titre du groupe, voilà. un groupe de medley, alors on sait pas trop, je ne sais pas ce qu'ils vont faire, voilà, c'est très très secret, medley crew. Ouais, mais c'est des medley punk rock, hein. Ouais, c'est des medley punk rock, ouais, voilà. Medley. C'est pas un reprise, un groupe de reprise de Motley Crue, ça aurait pu être très drôle, quand même. Il y en aura peut-être un titre au mieux, hein. Oh, ça serait super. tiens, Limp Wrist, tu connais? Ouais, bah quand même. Ouais, ouais. Et il y aura du coup un groupe de cover également de Limp Wrist, qui s'appelle Quick Time. Un groupe des Ramones, alors, voilà, c'est pour ça. Étonnant. Ouais. Je te jure, c'est pour ça qu'on avait mis... Du punk de droite au CCL. Bah ouais. C'est beau ça. Et en plus, tu vas voir... Les gens finissent par s'ouvrir, tu vois. Ah ouais, Misfits aussi, non, c'est pas... Oh putain, ouais. Ouais. Hein. Ouais. Bah c'est Halloween, non. C'est pour ça que c'est gratuit. Bah non, mais c'est là... c'est payé par les Ramones et les Misfits. Ah non, mais c'est là pour faire un peu peur quand même. Aussi, hein. Attends, on est sur Halloween. Et du coup, donc voilà, ce sera un groupe de 4, The Fast Four, qui feront ça, voilà. Fast Four, c'est vraiment un des surnoms des Ramones. Ouais. Mais ça me fait penser à un autre groupe. Qui était inspiré du surnom des Beatles, Fab Four. Allez. Les quatre fabuleux. Bah ouais. Wow. Ouais. C'était pas, faut tout vous expliquer. Quand ils voulaient pas jouer sous le nom Ramones, c'est ça? Ouais, peut-être aussi, ouais. Et enfin, le dernier vraiment groupe, parce qu'il y aura aussi de la sélection, mais il y a un groupe qui s'appelle Octogone, voilà. Octogone. Cover rap façon punk. Ah, ça va être que des reprises, on va se marrer. Ouais, on va bien se marrer. Puis il y a à manger aussi, il y a l'Anamorphose qui nous fait une petite cantine à prix libre à partir de 19h, tout à fait. Et on va, il y a une petite aussi, comment dire, il y a un petit soutien aussi au clash. Donc la soirée, alors savoir que la soirée est gratos. Un soutien au clash? Au clash. Ah. Il va pas te dire ce que ça veut dire parce qu'il sait pas. Ben si, c'est le collectif lillois de défense juridique. T'as vu, je suis vilain. Hein. Et donc. Mais on a besoin il y a pas longtemps. Hein? Non, mais je connais hein, quand même, ça va, Maloute. Oh. T'es connu? Bah oui. Et donc voilà, donc la soirée est gratos, mais les affiches du concert qui sont magnifiques d'ailleurs, réalisées par Barreto et Pierrock, imprimées par l'Ardente. T'as vu? Ainsi que le clash, donc il y aura aussi un cocktail, ils vont faire tout ce qui est un bar cocktail, mais pour de soft. Et vous pourrez aussi donner de la donation, pareil, il me semble que pour l'Anamorphose, ça va au clash, bref. Et donc vous pouvez du coup financer ce collectif grâce à vos prix libres. Ouais. Mais la soirée est gratos. Il faut, voilà. C'est bien. Et il y aura aussi un stand de maquillage. Exactement. Je lis ça sur un superbe site d'agenda de concert. Voilà, je connais aussi. J'y vais de temps en temps. Alors je sais pas, peut-être qu'il a écrit des conneries le mec. Hein, ouais. Bah écoute, ça c'est super. Tu vois, ça, moi j'avais pas cette info là, mais c'est cool. Comme ça, je vais pas me faire maquiller parce que j'ai rien prévu moi. Ouais, tu vas ressortir, tu ressembleras à Kiss. Ça va être bien. Ouais. Kiss Richard. C'est en hommage à Rolling Stones. Ouais, voilà, t'auras plus qu'à tirer la langue après. Ouais, voilà. Bon. Voilà, donc ça se passe au CCL vendredi. Les concerts commencent à partir de 20h30. Voilà, vous êtes déjà attendu à partir de 19h pour l'apéro. Ça, c'est l'heure théorique de début. Je sais. C'est pour ceux qui ne sont jamais au CCL. C'est pour ça que je dis 20h30. Mais... Voilà. Ah oui. En face de la petite église, là. En face de la petite église. Pas loin de Porte des Postes. Ouais, à côté de Porte des Postes. Alors, ouais. Il paraît qu'il y a des gens, ils ont peur de descendre à Porte des Postes en métro. C'est bizarre. J'ai vu qu'il y a des gens qui avaient tagué Porte des Postes. Ils avaient barré Postes. Ils avaient mis Porte Détox. N'importe quoi. Connard. Enfin bon. Bref. Ouais. Allez, moi je vais passer une nouveauté. Mais qui a rapport. Attends, il va, après tu vas repasser des titres en rapport avec cette soirée. Bah ouais. Mais que de groupes qui vont pas passer dans la soirée. Bah que de groupes qui vont pas passer pour la soirée, mais qui seront repris. Voilà. Ah voilà. Par quelqu'un d'autre. Moi j'ai une nouveauté avec une reprise d'un groupe qui sera peut-être repris dans le Nabat. Dans le medley. Parce que si le medley, ça me fait penser à il y a une dizaine d'années, il y a eu un groupe comme ça qui tournait dans les squats et qui faisait un medley de Oi avec The Oppressed, Nabat, tous ces trucs-là. Donc peut-être que ce morceau-là sera, enfin ce groupe-là sera repris, donc Nabat, qui est repris par un groupe de Barcelone qui s'appelle Brooks. Ils sont de retour avec un nouveau 5 titres dans lesquels ils rendent hommage aux groupes qui les ont influencés. Et donc moi j'ai pu entendre qu'un seul morceau, la reprise de Senza Soldi Senza Casa de Nabat, qui devient Sense Su I Sense Casa en catalan dans le texte. C'est pareil. J'ai pas reconnu les autres reprises au travers les titres qui sont en catalan aussi. Donc j'attendrai comme vous d'écouter les prochains titres pour savoir quels sont les groupes repris. Un peu comme au CCL. Hein. Ouais. Il y aura 500 copies, donc ça risque de partir très vite. Alors, on va écouter Brux, je ne sais pas comment on prononce. Sense Su I Sense Casa. C'est la reprise de Senso Soldi Senza Casa de Nabat. Tout de suite sur Radio Campus Lille. Oui. Qu'on cause. Et du coup, en une demi-heure, on passe 6 titres. Ça me fait penser que Nabat, c'est vraiment très bien. Bah ouais, j'écoute toujours. Pas assez. Non, en même temps, j'ai trop écouté quand j'étais. Bon, je vais un petit peu calmer les choses, quoique, avec un truc qui va passer dimanche au CCL. Cosy Müller, c'est une nana toute seule, elle vient de Berlin, elle fait du synth EBM, un truc comme ça, quoi, donc ça danse. Mais quand même, ça martèle un petit peu. Elle sera accompagnée de Tupan Heads, Ozibut, et puis un DJ set par un certain Phytochrome. Ça sera au CCL, 4 rue de Colmar, enfin, vous avez fait l'article juste avant, donc c'est pas la peine d'en rajouter. Voici Cosy Müller avec Imitator Lust. Non, pas du tout. Vous êtes à l'antenne de Radio Campus 106,6 DAB Canal 7C. Comment tu l'as rattrapé? Oui, campuslille.com. Ouais, bah ouais, ouais, c'est comme ça que tu vas faire avec les Américains. Vous écoutez Pyongyang City Rockers numéro 411. Et puis, bah, y a un truc qui va passer maintenant, mais c'est pas ça. C'était Cozy Miller que vous venez d'entendre juste avant. Je rappelle que pour gagner deux fois deux places pour le concert de vendredi à l'Aéronef, Search Results, ainsi que Keg et Moorish Idols, c'est toujours possible de téléphoner au 03 62 26 89 18 pendant les plages musicales, alors que c'est à vous, mon ami. Bah ouais, bah écoute, le prochain, c'est pas une reprise, c'est le morceau original, mais j'aime beaucoup ce morceau. Groupe queer punk de Philadelphie, Limp Wrist. Et le titre I Love Hardcore Boys, I Love Boys Hardcore. Voilà. Et ça passera, enfin pas Limp Wrist. Hein, ah non, mais non, il y aura un groupe de reprises de Limp Wrist. T'as vu. Ouais, on pense qu'ils font ça. Aaron Comet Boss Don't Care. Bon, c'est underground, hein, Limp Wrist. Ah, mais bien sûr. Ça passe sur Arte, donc c'est underground. Ça n'est pas une institution. Enfin, voilà. Tes problèmes avec Comet Bus ne regardent que toi et Aaron. Moi, j'ai ça pas passe de problème. Sur Arte, moi, j'ai pas vu ça. C'est quoi j'ai ça pas de bah, dès que t'as un reportage sur le queer punk Arte, il y a Limp Wrist dedans. Ok. C'est par le queer qu'en fait le punk accède à la mainstream, tu vois. C'est ça. Là, je viens de dire un truc avec que des mots en anglais, c'est bizarre. En même temps, il parle souvent du côté punk, mais peut-être pas spécialement celui qu'on écoute. Non, là, ouais. C'est bien, Limp Wrist. Ouais, et puis bon, non, puis de toute façon, là aussi, il y a un danger d'institutionnalisation quand ça passe sur Arte, mais je dis Artung. Hein. Artung bicycle. Arte, Artung. Allez, on parle de mainstream, je vais rester avec un groupe mainstream. Il y a une nouvelle compilation hommage à Motorhead qui va sortir après-demain. Et dedans, on y retrouve que du lourd. Alors, Ripoll, il va être fou, hein, gars. Pennywise, The Bronx, Lagwagon, GBH, Murphy's Law, Casualties, GBH, Anti-Nowhere League, entre autres. Il y a aussi un groupe de San Francisco que j'aime le plus, Rancid, et qui ont repris le morceau Sex and Death. La compilation s'appelle Killed by Death, Death comme sourd. Ouais. Elle coûte un peu moins de 30 balles, ouais, ouais, mainstream, et est dispo à l'achat sur le site de Motorhead. Tu peux acheter la compile que sur le site de Motorhead, enfin okay. Pour le moment. Donc on va écouter la reprise faite par Rancid, Sex and Death, la mort cette fois-ci, sur Radio Campus Lille. Oi. We'll be right back. boum, bah voilà, ouais, c'est tout. Mais toi, mais c'est ça qui est bien avec Rancid, c'est même quand ils reprennent des groupes ultra connus, bah ça reste Rancid. Ouais. Bon, bah voilà. Ceux qui connaissent pas le morceau de Motorhead, ils se disent c'est un nouveau morceau de Rancid. Ça oui, c'est vrai que ça ressemble pas trop. Et même la basse, on la reconnaît pas, mais qui peut imiter le jeu de basse de Lemmy? C'est une très bonne question. Oh, tu sais, Matt Freeman, il fait partie des 5 ou 7 meilleurs bassistes au monde. Ah ouais? Donc, ils se font un concours Non, mais il y a un classement et il en fait partie. Le classement de Warlock. C'est même pas le mien. C'est même pas le mien. C'est une blague. Non, ce serait le mien, il serait premier. Alors, à côté des reprises, il y a des groupes, on pourrait croire qu'ils se font des reprises les uns des autres, et en fait, c'est juste des morceaux qui ont le même titre, mais qui sont pas du tout pareils. J'en ai deux au hasard des ici. Des titres Skinhead. Ouais. Ouais. Il y a au moins 300 groupes qui l'ont repris. Et voilà, c'est pas ça, c'est Love Song. Le premier, ça va être Haywire, qui viennent de Boston. Pas se tromper avec Haymaker. Ouais, et ouais, ouais. Faut pas écouter ça. Et Haywire, ils passeront dans pas longtemps, en mois de novembre, au Wharton-Vis, je crois, avec Death Before Dishonor. Et puis, je sais plus qui, puis deux groupes du coin à bien. Il va falloir arriver à 14h parce que ça risque d'être plein. Et puis ensuite, Damned avec Love Song, que tout le monde connaît. Donc les voici avec deux titres qui ont le même titre, deux morceaux qui ont le même titre, mais qui sont pas pareils, mais qui sont quand même bien. Et on les envoie sur Pyongyang Styrokers numéro 400. Oi oi. Let's go. Ladies and gentlemen, how do? For you, here's a love song, and it makes time to say it's been a long time. It's okay. Comme disait quelqu'un, c'est mieux que les Sex Pistols, ça. Hein, c'est bah ouais, car vas-y, c'est des vrais punks, damned. Eh ouais. Bon, là, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai jamais été un grand fan de Sex Pistols. Bah voilà. Je dis pas, il y a des trucs bien, des plans bien, mais bon. Ouais, le premier album avant qu'il soit enregistré. Avec un vrai bassiste. Allez, bah. Ouais, ça peut se discuter aussi, ouais. Mais bon. Allez, pour moi, une autre reprise en lien toujours avec la soirée de vendredi au CCL, la soirée Halloween Punks, voilà, où il y aura plein de groupes de reprises et tout, ça va être trop cool. Et donc, pour les amateurs du genre 10-bit crust, et suédois, hein, parce que tout ce style que Stéphane connaît, c'est pas un morceau de Nabat. Non, même pas. Il y a des potes qui font un groupe de reprises de Shitlickers. No bot. Des bêtes. Shitlickers. Hein, Shitlickers, bah ouais, mais bien sûr. Attends, bah alors, bien sûr, mon ami. Moi, je connaissais pas, j'avoue. Apparemment, jeune, Shitlickers. Alors, chez Nalé même, hein. Mais voilà, il y a des chroniqueurs depuis un City Rocker, c'est vraiment qu'il y a la batterie dans ce. Ouais, et c'est pas en moi. En plus. Et il est pas là ce soir. Il est pas là ce soir. Alors pourquoi? Parce qu'il est en train de répéter. Il a des cheveux. Voilà. Oui. Il a des cheveux. Ouais. Alors que nous, on en a pas de cheveux. Si toi. Il en reste. Et du coup, repris donc par. Donc Shitlickers, repris par Deconstructi, qui est un groupe indonésien. Ouais. Et du coup, le titre Armed Revolution, c'est très court, ça dure 48 secondes. Mais les copains de The Leader of the Fucking Assholes, c'est comme ça qu'ils s'appellent. C'est ça qui va passer vendredi. C'est ça qui va passer vendredi. Ils vont pas jouer très longtemps non plus, apparemment. Il va falloir être là. Ça va être fort. Ouais, mais eux, ils ont dû apprendre 30 morceaux, puis ça dure 15 secondes. C'est ce que j'allais dire, 10 morceaux de 48 secondes. Ouais, C'est ceux qui ont plus de taf et qui vont jouer le moins longtemps. C'est incroyable. Ouais. Hein. Bah ouais, faut choisir. Allez, Deconstructi, Arm Revolution, sur Playbox Two Rockers. C'est déjà fini. Puis on regarde Syrockers, il est 20h50. Et putain, bisous à Henri. Henri. On se verra le vendredi. Ouais. Au CCL. Il y a 4 jours, 3 semaines, j'ai découvert un groupe basque en live à la Maison des Jeunes de Mondragon. Un groupe qui donne dans le punk à la The Jam, The Clash. Il y a Ibonne de Streetwise qui m'a dit qu'il fallait surtout pas que je rate leur reprise des Jams. Et ça tombe bien, car cette reprise, ils l'ont enregistrée. Pas la meilleure version que j'ai pu entendre, mais depuis l'enregistrement, il y a eu du progrès sur scène. La reprise date de 2022 et est dispo sur leur CD Utopia and Zane. Le morceau repris, c'est, d'après toi Thibaut, d'après toi Stéphane? Alors, mon basque n'est pas encore très bien. The Jam, In the City, allez. Ah ouais, mais d'accord. En basque, ça donne Innocent Siren Itzal Pean, et ça veut pas du tout dire dans la ville, ça veut dire sous l'ombre de l'innocence. L'innocent, on l'est pas trop à Pyongyang City Rockers, enfin je crois. Berandu Beino Lehen sur le 106,6 de ta bande FM. Je sais pas si je peux dire oi. Ouais. Bon, punk. Aurrera joan da, Oui, c'est vrai, même en studio, ils font des pains. Et alors Mais ils c'était, franchement, sur scène, on voit que ça a envie. Et c'est pas trop ce qui s'écoute au Pays Basque. Tu vois. Ah ouais. Non. Et c'est un peu un groupe à part. Et on le voit bien dans le public. C'est plutôt le punk à l'américaine qu'ils aiment bien. Et là, c'est un peu trop. Un peu trop pointu. Et bien aussi un groupe pointu qui va passer au Jansan à Kürn, à côté de Courtrai. Vous connaissez le skatepark où il y a régulièrement des concerts et des festivals, les Wham Jam par exemple. Et bien il y a un concert ce vendredi avec et donc entre autres Slant, groupe coréen avec une chanteuse qui casse tout. Là franchement, vous allez entendre la voix, enfin ce qu'il en reste. Ouais, c'est vraiment excellent. Si vous les ratez au Jansan, ils seront Slant aussi à Antwerp Music City. C'est un peu plus loin, mais c'est encore dans le coin, un petit peu. Hein, si on n'a pas peur d'aller à Anvers. Peur d'aller en plein centre-ville d'Anvers. Anvers, c'est pire que Porte des Postes, hein, si vous voulez, à mon avis. Hein, mais bon. Surtout le quartier de Music City. Ouais. Voilà, et donc voici Slant qui passeront donc ce vendredi au skatepark Jansan à Kürn. On les écoute dans Violent Minds. Elle dit qu'elle ne comprend pas ces types qui sont violents et qui ont enfin l'esprit tourné tout le temps vers la violence. Boum. Allez, explique ton tour, Thibaut. Putain, incroyable. Ton morceau est trop long. Comment ça, mon morceau est trop long? Allez, la dernière fois qu'on m'a dit ça, j'étais tout nu. C'est parce que t'as fait de la route. Bon, en même temps, 4 minutes, il est 57. Ouais. Allez, les Hollandais de The Young Ones ont sorti un nouveau Scud le 19 septembre dernier sur Contra Records pour l'Europe et Longshot Music pour les États-Unis. L'album s'appelle With a Touch of Panache et contient une reprise de The Strike. Non, c'est du panaché, en fait. Tu sais, ils ont mis de la limonade dans la bière. The Strike est un groupe qui est rarement pris dans notre scène, malgré le morceau qu'on va passer qui s'appelle Skinhead. Et ben voilà, on écoute ça tout de suite sur le 106,6 et c'est un peu dans le cadre du thème du CCL ce vendredi Halloween party avec que des groupes de reprises. Et puis ben j'en profite pour dire que il y a deux nouveaux épisodes spécial reprises sur Droogies Radio qui viennent d'être uploadés aujourd'hui, donc ce sera diffusé dans les jours à venir. 411e épisode du Pyongyang City Rockers, c'est la fin si tu arrives maintenant. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, Thibaut, ciao. Et personne n'a gagné, hein. Personne n'a téléphoné, Stéphane, personne n'a gagné. Voilà. Ciao. Ouais, ciao. Ouais. Et puis on n'oublie pas. Hein. I see, I buy. Ah ouais, bien sûr, plus que jamais. Batilou, Batbi. Ouais, normalement on devrait être bon là, ça devrait arriver tout juste maintenant, ça devrait arriver pour au top horaire. The Young Ones, Maastricht, Skinhead, The Strike. Oh, oui.